La vieille fille, d'ailleurs, parut heureuse et félicita Wenceslas sur son bonheur. « Méchant enfant !» lui dit-elle devant Hortense et sa mère. « Si vous m'aviez, avant-hier, avoué que vous aimiez ma cousine Hortense et que vous en étiez aimé, vous m'auriez évité bien des larmes. Je croyais que vous abandonniez votre vieille amie, votre institutrice, tandis qu'au contraire, vous allez être mon cousin. Désormais, vous m'appartiendrez, par les liens, faibles, il est vrai, mais qui suffisent aux sentiments que je vous ai voués. » Et elle embrassa Wenceslas au front. Hortense se jeta dans les bras de sa cousine et fondit en larmes. « Je te dois mon bonheur, lui dit-elle. Je ne l'oublierai jamais. » « Cousine bête, reprit la baronne en embrassant Lisbeth pendant l'ivresse où elle était de voir les choses si bien arrangées. « Le baron et moi, nous avons une dette envers toi. Nous la quitterons. Viens causer d'affaires dans le jardin, dit-elle en l'emmenant. Lisbeth joua donc en apparence le rôle du bon ange de la famille. Elle se voyait adorée de Crevel, de Hulot, d'Adeline et d'Hortense.